Ouais. Y'a la pression. Ouais. Hein, le passe, quoi qu'il se passe dans la place, bébé. Hein, tiens ça. Ouais. Le bien n'est rien sans le mal, il fonctionne toujours de par deux. Maintenant je sais que je suis rien sans toi, mais comment demander pardon? La vie a fait de moi ce que je suis, un gangster au cœur d'acier. Car seul le métal survit dans ce monde, on meurt plus froid qu'un glacier. Qui vit par le feu, meurt par le feu, en moins de temps qu'un éternuement. Avec moi c'était ta Maël, mais mon amour pour toi durera éternellement. Mon âme a déserté mon corps, mais si elle m'entend, dites-lui que je donnerai tout pour que se rejoue encore et encore cette maudite nuit. Mais la vie se prend en une seule prise, ça n'a rien d'un jeu de rôle. Parfois on se prend au jeu, tu pour l'argent. J'avoue que j'ai trouvé ça drôle. Jusqu'à ce que la mort me frappe et comme un novice m'enferme dans mon vice. À part toi, mon seul regret, ne pas être là quand naîtra mon fils. C'est un poison lent. Tourbillon des eaux de ces ghettos. Oh, je ressens ça, la surface.